Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. Il y avait une conférence de presse à Alma hier où on annonçait des retombées majeures pour l'organisation des Jeux du Québec. Le comité organisateur a annoncé des retombées de 12,3 millions et un surplus de 240 000 $ sur un budget de 5,3 millions. En entrevue hier sur les ondes de danradiosport.com, Jean-Denis Toupin mentionne qu'il y avait 6,5 millions d'argent neuf qui ont été dépensés dans le milieu. On va écouter là-dessus Jean-Denis Toupin. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a 6,6 millions d'argent neuf qui a été dépensé par les spectateurs pendant la période des Jeux du Québec. Puis en plus de ça, ben, il y a notre budget de 5,3 millions d'opérations qui a été dépensé aussi dans la région. Donc, on a en fait des retombées économiques nettes, sans compter les investissements qui ont été faits, par exemple, dans le centre multisport ou ces choses-là, de 12 millions de dollars. Puis notre budget de 5,3 millions de dollars, ben, on considère aussi que c'est un succès parce qu'on a réussi à livrer la marchandise avec ce budget-là, puis aussi à dégager un léger surplus qui va être utilisé comme legs pour développer l'excellence sportive chez les jeunes. Et ça, c'est vraiment... Et dans un deuxième temps, Benjamin Toupin mentionne qu'il y a un legs important que les Jeux du Québec vont laisser à Alma, soit le legs de la fierté et également du dynamisme. Ben, c'est pas chiffrable, mais c'est palpable. Ouais, oui, hein? Parce que quand on réussit à mobiliser 3100 bénévoles, qu'on les fait travailler, puis que les jeunes nous disent « Ah bon, on est un peu déçu que ça soit terminé, on a fait être bénévole. » Quand on se fait féliciter par Sport Québec, puis ben on se rend compte que finalement, dans notre région, on est capable d'organiser des grands événements, des événements de masse. Faut savoir qu'il y a 21 000 visites sur les sites qui ont eu lieu pendant les 10 jours sur les 14 sites. Donc, c'est des événements qui sont majeurs. Saguenay a fait la démonstration il y a 4 ans de ça, puis nous, on a refait la démonstration. Donc, ce qu'on comprend de ça, c'est qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est capable d'organiser des événements d'envergure, entre autres des événements. Signe que la traversée internationale du Lac-Saint-Jean est de plus en plus populaire. On a annoncé hier que de nouvelles mesures ont été installées, ont été prises pour avoir plus de coureurs lors de la 5e édition qui va se tenir le 17 février prochain. Donc, on va attirer 100 coureurs de plus et également 200 aventuriers de plus. Et également, ben, signe que c'est de plus en plus populaire 30 minutes après l'ouverture du site Internet pour s'inscrire. Il y avait déjà 60 personnes qui s'étaient inscrites à la compétition. Il y a 20% qui viennent d'un peu partout, soit de la France, des États-Unis et de l'Europe. Donc, c'est un événement qui gagne de plus en plus en popularité. Et c'est Stéphane Saint-Martin qui agira à titre de président d'honneur de cette 5e édition. On va tenter au cours des prochains jours de parler avec David Lecointe, qui est le grand responsable de cette compétition. Les Seigneurs de Chicoutimi vont débuter leur saison en fin de semaine et on a annoncé que Zachary Lavigne, Vincent Lapam et Morgan Noss vont seconder Olivier Galipeau, qui lui a été nommé capitaine de l'équipe cette année. C'est trois gars qui ont quand même l'expérience de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Le sport local et régional, à danradiosport.com, on s'en occupe.